إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est dans notre livre, donc le cours numéro 26 dans l'explication du livre Al-Fitna wa Mawqif al-Muslim Minha. C'est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab Al-Aqil, un des docteurs de l'Université islamique de Médine dans l'Aqida, et dernièrement justement il a reçu le grade de Ustaz Doctor. Donc, c'est-à-dire il est devenu un professeur. Donc, il a été élevé d'un degré de plus par rapport au titre dans la science qu'il possède actuellement. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le tawfiq. Et donc, on continue donc dans l'explication du livre. On est dans le troisième chapitre maintenant, la troisième partie. Et cette troisième partie, c'est des positions, différentes positions qui sont en contradiction avec le manhaj des salafs par rapport au fitan. Et les effets de ces positions contradictoires au manhaj des salafs sur les individus et sur la umma. Et le cheikh il explique également les racines historiques de ces différentes contradictions ou oppositions à la charia par rapport à ces différentes positions contradictoires. Et le chapitre en question, ou la partie en question, elle est divisée en 8 parties. Donc je vais juste faire un résumé ou lire avec vous les différentes parties, les différents 8 parties, les titres de ces 8 parties-là, pour que vous puissiez comprendre donc qu'est-ce qui va se passer dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. المبحث الأول الاستهانة بعلماء الأمة وعلومهم وتعظيم الأصاغر. Donc le premier point parmi les positions qui sont en contradiction avec le manhaj des salaf par rapport au fitan, c'est le fait de dénigrer les ulama de la Umma et de dénigrer leur science et de montrer du respect à des innovateurs ou à des petits. Ça c'est le premier point. المبحث الثاني إحياء الفتن الماضية وجمع الناس واتخاذ ذلك سنة وعيدا سنة وعيدا. Donc il mentionne comme deuxième point le fait de faire revivre des fitan qui sont déjà mortes, hein, des fitan anciennes, des fitan du passé, et de rassembler les gens sur ces fitan et de prendre ça comme étant une sunna et quelque chose qu'on refait continuellement. Ensuite, المبحث الثالث مفارقة الجماعة بإحداث أحزاب وجماعات فرقت الأمة. Donc le troisième point, c'est de diviser ou de séparer de la jama'a en créant des groupes et des partis qui divisent la umma. المبحث الرابع التسرع بتكفير الأمة عامتها وخاصتها. والتركيز في ذلك على ولاة أمور المسلمين. Donc, le fait de se précipiter dans le takfir de la Ummah en général, ou de faire le takfir de certains musulmans en particulier, et de se concentrer en particulier sur le takfir des dirigeants des musulmans. Donc ça, c'est un autre point. المبحث الخامس استباحة دماء المسلمين المخالفين. Le fait de rendre licite le sang des musulmans qui les contredisent. Donc ça, c'est le point numéro 5. المبحث السادس إحداث التجمعات الغوغائية أو ما يسمى بالمظاهرات الجماعية. Donc c'est de créer des rassemblements ou des groupes, il y a des groupes de gens qui appellent à la démagogie ou qui appellent à toutes sortes d'autres formes d'ignorance et qui se réunissent ensemble pour faire des actions en groupe, comme qu'est-ce qu'on appelle les muzaharat al-jama'iyya, c'est-à-dire les manifestations et les regroupements de manifestations. Donc ça, c'est un exemple. Et le point numéro 7, al-mabhas al-sabi' al-ifsad fi bilad al-islam fi bilad al-islamiyya bit-takhrib wat-tafjir wa nahw dhalik. C'est-à-dire de faire le désordre et la corruption dans les pays musulmans en faisant de la destruction ou en faisant des explosions ou des choses comme ça, des attentats ou des choses comme ça. Et le dernier point, al-mabhath al-thamin, al-hijratu ila bilad al-kuffar, de faire la hijra vers les pays des kuffars. Donc ça, c'est les points qui vont être traités dans cette dernière partie. Et c'est pas très long en fait, c'est une centaine de pages. Donc on devrait passer à travers ce chapitre ou cette partie plutôt en quelques cours, inshallah, peut-être une quinzaine de cours. Donc bi'idhnillah, on va commencer tout de suite. المبحث الاول الاستهانه بعلماء الامه وعلومهم وتعظيم الاصاغر. Le fait de dénigrer les ulama de la umma ainsi que leurs sciences et de montrer du respect aux petits, aux gens de l'innovation, al-asagir. C'est le pluriel de sourir, c'est-à-dire ceux qui sont petits. سبق في المبحث الأول من الفصل الثاني بيان الموقف الشرعي من الفتن ومن ذلك الرجوع إلى علماء الأمة الربانيين وقت الفتن وسؤالهم عما وقع من أمر وأخذ أقوالهم الموافقة للكتاب والسنة والعمل بها والبعد عن الأقوال المخالفة للكتاب والسنة وإن قالها بعض من يدعي العلم فإن الأصل هو الكتاب والسنة لا قول فلان أو فهمه وقد تسلط الشيطان على طائفة ممن يدعي العلم فرفعوا أنفسهم فوق قدرها ولبسوا على عوام المسلمين وشبابهم وغروهم بادعاء العلم والمعرفة والفقه والحرص على الدين والغيرة على الشرائع فتصدروا مجالس الشباب وتكثروا بهم واستحوذوا على قلوبهم فمكروا بهم من حيث لا يشعرون وأضلوهم لأنهم ضالون. Donc le cheikh, il dit qu'on a déjà expliqué dans les points précédents, dans le premier point de la deuxième partie du livre, la position de la charia vis-à-vis des fitan, et on a expliqué par rapport à ça le fait qu'il faut retourner aux ulama de la umma, al-rabbaniyin, ceux qui sont parmi les éducateurs, parmi les ulama, lorsqu'il y a des fitan, c'est-à-dire les grands ulama. Et il faut leur poser les questions au sujet de ce qui est arrivé par rapport aux différents événements, aux différents événements qui se produisent. Et c'est d'eux qu'on doit prendre les paroles qui sont en accord avec le Coran et la Sunna. Et on doit agir selon ce qu'ils disent dans ces choses-là qui sont en accord avec le Coran et la Sunna et rejeter et rester loin des paroles qui contredisent le Coran et la Sunna. Même si les personnes qui mentionnent ces positions, ces paroles-là, prétendent la science, parce que à la base, c'est hein, la référence pour nous, c'est le Coran et la Sunna, et non pas les paroles des hommes, hein, ou la compréhension d'un tel ou d'un tel. Et le cheikh il dit ensuite qu'il y a un groupe de personnes qui prétendent la science, et il dit que ce groupe-là, le shaitan a pris le dessus sur eux. Et ils se sont donc élevés à un degré plus haut que le degré qu'ils méritent réellement. Et ils ont mélangé les choses, hein, ils ont mélangé la vérité et le faux pour le musulman du commun et pour les jeunes d'entre la Ummah. Et ils les ont trompés en prétendant posséder la compréhension, la science et la connaissance, et en prétendant également ou en montrant également avoir un désir ardent de défendre la religion et d'avoir un honneur, une jalousie pour la législation de l'islam. Et donc ils se sont mis au devant de la scène et au devant des assises des jeunes, et ils les ont rassemblés autour d'eux, et ils ont pris le dessus sur le cœur de ces jeunes-là, et ils leur ont fait toutes sortes de ruses et de complots d'une manière qu'ils ne réalisent même pas. Et ils en ont égaré beaucoup d'entre eux, parce que bien entendu ce sont des égarés eux-mêmes. فنجد الشباب يسلم قياده لشاب مثله في السن والعلم بعد أن سمع الألقاب الكبيرة التي يدعي بها كالداعية مثلا والمصلح والقائد والإمام والعلامة ونحو ذلك مما لا يصح أن يقال فيهم أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. Donc, il explique que tu vas trouver qu'il y a des jeunes qui ont donné la dirigeance, hein, qui ont mis à leur tête d'autres jeunes qui sont pareils comme eux, c'est-à-dire des jeunes comme eux qui ont la même âge et qui sont équivalents avec eux dans la connaissance aussi. Mais lorsque des gens leur ont donné parfois, où ils se sont appelés eux-mêmes par des titres ou par des noms qui sont plus grands qu'eux, hein, eh bien, certains se sont laissés impressionner par ces titres-là, comme par exemple de dire qu'un tel est un da'ya, ou bien un réformateur, muslih, ou bien al-qa'id, c'est-à-dire le chef, ou l'imam, ou le grand savant, ou des choses de ce genre, qui sont des noms qu'ils ne méritent pas de posséder. Et il cite une poésie, en fait, un vers de poésie qui mentionne que si on prend des noms et qu'on les met autres qu'à leur place, eh bien, c'est comme si, en même temps, c'est comme si on prenait un chat, puis qu'on l'appelait un lion, hein, parce qu'il se gonfle, lorsque le chat se gonfle. Quelque chose de ce genre. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas mélanger les noms et les donner, ou les titres, et les donner à ceux qui ne les méritent pas, hein? Parce que c'est ce qui se passe souvent, comme qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer, que des jeunes qui n'ont pas le niveau dans la science et qui sont très jeunes également, qui n'ont pas l'expérience comme les ulama, qui veulent se mettre à la place des ulama et qui dénigrent les ulama. Donc c'est ça le danger. الشيخ يقول والحرص ولحرص هؤلاء المفتونين من المتصدرين على جاههم بين الشباب عمدوا إلى حيلة شيطانية وهي أنهم زهدوا الشباب في علماء الأمة الربانيين في بعض المسائل العامة التي تهم الأمة فتجدهم يثنون على العالم بحفظه واستحضاره النصوص الشرعية وفقهه في الطهارة وما يتعلق بها وأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق ونحو ذلك من أبواب الفقه وبعض المعتقد كالألوهية والأسماء والصفات ونحو ذلك. فإذا وصل الحال إلى قيادة الأمة والرجوع إلى هؤلاء العلماء الربانيين كما أمر الله في وقت النوازل والفتن، حاصوا بشبابهم وظنوا بجاههم، فبدأوا بالتدليس تارة وبالتصريح أخرى، الحط من قيمة فقه العلماء بهذه النازلة، وأن الأمر ليس على ظاهره، وأن لهذه النازلة باطنا لم يطلع عليه العلماء، وإنما اطلعوا عليه هم، لأن لهم اطلاعا على الأحداث بواسطة الإذاعة والمجلات، أما العلماء فيكفيهم ما هم فيه من أمور شرعية كما زعموا. وهكذا دلسوا هؤلاء المفتونون على شباب الأمة فأضلوهم بعد أن ضلوا، فازدادت الفتن بهم كثرة وثباتا، فكلما ظهر داعية من هذا الصنف ازداد بلاء الأمة، وما حلوا ببلد إلا أفسدوه بضرب الشباب بالعلماء وضرب العلماء بالحكام، والأمة لا تصلح إلا باجتماع شباب المسلمين وعوامهم مع علمائهم تحت حكامهم. فهذا الموقف من العلماء من أعظم أسباب الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le Cheikh explique, et ça c'est un point qui est important, que à cause du désir de ces gens qui ont été justement pris dans la fitna, de se mettre au devant de la scène et de préserver leur statut en face des jeunes, eh bien ils ont utilisé certaines ruses diaboliques pour arriver justement à préserver cette place qu'ils ont obtenue chez les jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils éloignent ou ils font en sorte que les jeunes délaissent les ulama de la Ummah, Rabbaniyin, ceux qui sont les éducateurs de la Ummah, dans certaines questions qui concernent yani la Ummah en général. Ce sont des questions qui concernent la Ummah en général. Alors, lorsqu'ils parlent des ulama, tu vas les entendre en train de glorifier la mémorisation des ulama, leur mémoire, comment ils arrivent à rapporter des textes de la charia, et de se souvenir des différents versets et des différents hadiths lorsqu'ils en ont besoin, lorsqu'ils font des durus ou lorsqu'ils font des conférences ou des khutab. Donc ils vont faire l'éloge de leur science, ils vont faire l'éloge de leur mémoire, de la façon dont ils ramènent les textes et les preuves, de leur compréhension dans les questions de la purification at-tahara, et aussi comment ils ont une compréhension dans les règles qui sont rattachées à ces questions de la purification, ou bien des règles de la salat, ou bien de la zakat, ou du jeûne, ou du hajj, ou du mariage, ou du divorce, et des différents chapitres dans les chapitres de fiqh, ou bien également dans les différentes questions qui ont rapport avec la croyance, comme al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration, ou bien le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah, et ainsi de suite. Mais lorsque la question arrive à savoir qui est à la tête de la Ummah et qui dirige, et que lorsqu'on dit aux gens que ce sont les ulama qu'il faut suivre et que c'est vers eux qu'il faut retourner, vers ces grands ulama rabbaniyin, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, et en particulier dans les moments de fitan, dans les moments où il y a des tribulations et des épreuves et des difficultés, des fitan, des grands problèmes qui affectent la Ummah en entier, eh bien là, c'est là que tu vois leur comportement changer. Tu vois, ils font des éloges des ulama dans ces questions-là, mais quand c'est des questions qui ont rapport avec des grandes fitanes qui affectent la Ummah, là, ils changent. Et ils cherchent à empêcher les jeunes d'écouter les paroles des ulama. Et ils cherchent à garder leur statut et leur position chérie auprès des jeunes. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent différentes méthodes pour arriver à justement rattacher les jeunes à eux et les éloigner des ulama, soit en cachant une partie de la vérité, ou bien parfois en disant clairement et ouvertement que ces ulama, ces grands ulama n'ont pas compris la situation qui se passe lorsqu'elle se produit, comme si en voulant dire ces grands savants-là, ils ne comprennent pas cette situation-là, ou ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, la réalité de qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas prendre les choses dans leur apparence. Par exemple, ce malheur ou cette catastrophe ou ce problème qui se passe, il y a quelque chose qui est caché dedans, que les savants n'ont pas appris, que les savants ne sont pas, ils sont pas au courant de ce détail-là ou de ces choses-là, et que eux, c'est seulement eux qui connaissent cet aspect caché de cette chose, parce que ils ont appris au sujet de ces événements-là à travers les moyens des médias, comme par exemple en écoutant la radio, en lisant les magazines, les revues, les journaux, des trucs comme ça. Donc eux, ils ont appris des détails, comme si subtils ou cachés, que les grands ulama, eux, ne connaissent pas. Les ulama, comme si, qu'est-ce qu'ils vont dire aux jeunes par la suite? Ils vont dire, les ulama, ça leur suffit de connaître les questions de la charia qu'ils ont appris et qu'ils enseignent, c'est-à-dire des questions sur le fiqh et des choses comme ça. Mais par la suite, donc, en ce qui concerne ces grands événements-là et ces grandes fitanes, ça c'est pas aux ulama qu'il faut retourner. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à détourner un grand nombre de jeunes de la Ummah, des ulama. Et ils les ont trompés de cette manière-là. Pourquoi? Parce que, bien entendu, ils se sont égarés eux-mêmes, et donc ils égarent ces jeunes-là avec eux. Et ils augmentent, à chaque fois qu'il y a une fitna, ils font en sorte que la fitna soit augmentée, soit plus grave, et soit plus ferme. C'est-à-dire ils renforcent la fitna encore plus avec leur agissement et avec leur comportement. Donc, Cheikh, il dit que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une da'wah et qui agit de cette façon-là, eh bien, il ne fait qu'augmenter les malheurs de la Ummah. Et si on les retrouve dans un pays, ces gens, cette catégorie de du'at, si on les retrouve dans un pays, on constate qu'ils ne font que le corrompre. En frappant les ulama et en mettant les jeunes contre les ulama et en mettant les ulama contre les dirigeants. Et bien entendu, la Ummah ne peut pas être réformée, excepté si on réunit les jeunes, parmi les jeunes musulmans et les musulmans du commun, avec les ulama, en dessous de leurs dirigeants. D'accord? Donc ça, c'est la position. Il dit, cette position-là, vis-à-vis des ulama, c'est une des plus grandes causes des fitanes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont constaté ces choses-là à notre époque. Et il y a eu beaucoup de fitanes qui se sont produites dans les pays musulmans dans le siècle dernier, puis dans la dernière décennie ou la décennie précédente, et même auparavant, avant ça également. Et on a vu le jeu justement de ces jeunes, de ces groupes de Hizbiya qui essaient et qui font tout ce qu'ils peuvent Le frère, il demande si c'est en direct. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam, c'est en direct, Abou Sawsan. Barakallahu fik. Et naam. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, c'est ça. On a vu de la part de certains de ces jeunes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de dénigrer les ulama et de dire que les ulama, ils peuvent pas comprendre les détails de qu'est-ce qui se passe, ils comprennent pas la loi, ils ont pas fait la loi, et ainsi de suite, pour les dénigrer et pour rattacher les jeunes vers eux. Et ça, on l'a vu de la part de certains, comme qu'est-ce qui s'est passé durant la guerre, la première guerre du Golfe avec Salman al-Auda, Safar al-Hawali. Ça a été leur comportement, ça a été leur attitude. Et justement, ils ont fait beaucoup de désordres et beaucoup de fitanes. Et c'est pour ça que les ulama, comme Cheikh Ibn Baz et d'autres, ont ordonné de les emprisonner, ces jeunes-là, à cause du danger qu'ils représentaient pour eux-mêmes et pour les jeunes de la Ummah et pour les musulmans en général. Donc c'est pour ça, c'est l'attitude de ces gens-là. Et aussi, il y en a parmi les jeunes aujourd'hui encore, parmi les takfiriyin, et autres qui dénigrent les ulama et qui veulent se mettre à la place d'eux. Et surtout dans certaines régions, dans certains endroits, certains de ces jeunes ignorants, ils se sont placés comme étant un cheikh. Et ils ont rassemblé un petit groupe autour d'eux. Et c'est eux que les gens prennent comme référence parmi ces jeunes-là. Ils pensent que ce jeune-là, il a bien compris l'islam, il a une bonne connaissance, et ils pensent qu'ils peuvent réfuter les ulama et qu'ils comprennent mieux que les ulama. Et j'en ai vu des jeunes comme ça, même ici à Montréal, hein, et ailleurs. Ils pensent qu'ils réfutent les ulama et que les ulama ont pas compris l'islam et que c'est eux qui ont compris l'islam. Et le petit groupe qu'ils contrôlent, hein, pense que ce petit groupe-là pense que ce gars-là, cet individu-là, c'est Cheikh l'islam de notre époque, hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils n'ont jamais été étudiés l'islam. Et certains, même parfois, ils n'ont même pas appris l'arabe. Donc, ça c'est juste pour vous dire comment l'ignorance peut être un grand danger et comment le fait de s'éloigner des ulama peut être un grand danger également. Le Cheikh, il explique, il dit: وَقَالَ الْحَافِظ قَوَامُ السُنَّةَ الْأَصْبَهَانِ رَحِمَهُ اللَّهِ فمن نظر بعين الإنصاف علم أنه لا يكون أحدا أسوأ مذهبا ممن يدع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة رضوان الله عليهم وقول العلماء والفقهاء بعدهم ممن يبني مذهبه ودينه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبع من ليس بعالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف لا يأمن أن يكون متبعا للشيطان أعاذنا الله من متابعة الشيطان. Donc le Cheikh il cite ensuite الحافظ قوام السنة الأصبهاني dans son livre الحجة في بيان المحجة, le volume 1 à la page 311. Il dit donc: quiconque regarde avec un regard juste, il va savoir que personne n'a une position plus mauvaise que celui qui laisse de côté la parole d'Allah ou la parole de son messager et la parole des sahaba ridwanallahi alayhim, qu'Allah soit satisfait d'eux, de même que la parole des ulama et des savants de fiqh après eux, parmi ceux qui basent leur madhhab sur et leur religion, leur voie et leur position sur le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a personne qui a une position plus mauvaise que celui qui agit comme ça, c'est-à-dire qui laisse de côté la parole d'Allah, de son messager, des sahaba, des ulama, des fuqaha qui viennent par la suite et qui ont basé eux aussi leur madhhab et leur position et leur religion sur le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et yani, par rapport, hein, si on, yani, par rapport à celui qui n'est pas un savant, qui il suit et qui suit celui qui n'est pas un savant et qui n'est pas savant du livre d'Allah ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui suit une personne comme ça, une personne qui est ignorante, qui ignore le livre d'Allah, qui ignore la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comment peut-il être en sécurité, hein, de suivre le shaitan? Comment peut-il être en sécurité de suivre le shaitan? Qu'est-ce qui lui garantit? Qu'est-ce qui lui garantit qu'il n'est pas en train de suivre le shaitan? Que Allah nous préserve de suivre le shaitan. C'est vrai, celui qui ne suit pas une science et qui ne se base pas sur la science des ulama, il ne peut pas savoir si ce qu'il suit est la vérité et s'il n'est pas en train de suivre le shaitan. Et même parfois, il pense qu'il est en train de suivre le Coran et la Sunna, mais puisqu'il ne se base pas sur la compréhension des ulama, qu'il ne retourne pas à la position des ulama, eh bien, il est en train parfois d'interpréter le Coran à tort et à travers, de suivre ses passions, et il ne suit pas le Coran et la Sunna pour de vrai. Cheikh dit: فانظر حماك الله من الفتن كيف يؤدي ذلك إلى اتباع الشيطان والعياذ بالله. قديما وقديما قيل: من جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. ولذلك رأينا الأمر لم يزدد بهؤلاء إلا بلاء، وربما كانت الفتنة صغيرة صيرها هؤلاء بجهلهم كبيرة جرت على الأمة الويلات. Donc le cheikh dit, regarde, donc Allah te préserve de toutes les fétanes. Comment leur attitude les a amenés à suivre le shaitan. Et dans le passé, on a dit, et le cheikh il cite ici une parole d'une poésie qui dit, celui qui a pris comme guide les corbeaux, les corbeaux, ça le ramène à quoi? Au cadavre des chiens. Hein, ça va l'amener à passer sur le cadavre des chiens. Parce que c'est autour de ces choses-là que tournent les corbeaux ou les oiseaux qui sont des charognards ou des choses comme ça. ولذلك رأينا الأمر لم يزدد بهؤلاء إلا بلاء. Donc on a vu que ces gens-là, à cause de ces gens-là, les problèmes ne font que devenir pires et les malheurs ne font qu'augmenter. Des fois, une fitna elle est tout petite et eux ils la font devenir grande à cause de leur ignorance. Et ils font que les malheurs retombent sur la Ummah. Il dit ensuite, وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله العنقري رحمه الله في رسالة لهما ومما أدخله الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم وهذا سبب لحرمان العلم النافع والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان فلا يلتقى العلم إلا عنهم فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما تلقاه أو ما تلقوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. Donc le cheikh il cite une parole de deux d'entre les mashaykh parmi les imams de la da'wah du Najd. Il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Latif et le cheikh Abdullah al-Anqari rahimahullah, ils ont écrit une lettre ou un livre dans lequel ils disent, parmi les choses que le shaitan a réussi à faire entrer chez certains d'entre les gens qui sont religieux, mais qui ont des fitanes, shaitan les a trompés en les amenant à accuser ou à douter des ulama et de les accuser d'être des gens qui font des compromis dans la religion. Et le shaitan les a amenés également à avoir une mauvaise pensée envers les ulama, à penser du mal d'eux. Et ça, il y a beaucoup de gens comme ça, Allah al-Musta'an. Et le shaitan les a amenés également à ne pas prendre la science des ulama. Et ça, ça les a amenés à quoi? Ça les a amenés à être privés de la science bénéfique. Parce que les ulama sont les héritiers des prophètes, à toute époque et en tout lieu. Et on ne peut prendre la science que d'eux. Alors, celui qui délaisse la science de la part des ulama, qui laisse de côté le fait de prendre la science des ulama et qui n'accepte pas ce qu'ils ont reçu comme science, comme héritage du chef des prophètes ou du premier des prophètes et des messagers sallallahu alayhi wa sallam, et qui échange cela pour les paroles des ignorants et qui n'ont aucune connaissance des règles de la charia et des choses de ce genre, alors bien entendu ça c'est la grande perte de la part de ces gens-là qui agissent comme ça. Le cheikh il dit, والعلماء هم الأمناء على دين الله فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله. Donc le cheikh il dit que les ulama ce sont ceux à qui on doit faire confiance, parce que ce sont eux qui sont les garants de la religion d'Allah. Et il est obligatoire à toute personne qui est mukallaf, qui a la raison, qui a atteint la puberté et qui est musulman, c'est une obligation pour lui de prendre sa religion des hommes de science. Hein? On ne prend pas la religion de n'importe qui, mais on la prend des hommes de science. وكما قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم comme l'imam Muhammad ibn Sirin qui disait parmi les salaf que cette science c'est une religion, alors vérifiez de qui vous prenez votre religion. Il s'est rapporté dans l'introduction de Sahih Muslim. فإن من تعلق بظواهر الفاظ من بظواهر الفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام فإن هذا جهل وضلال. فإذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغني بمجموعة التوحيد عن الأخذ عن العلماء المسلمين مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب قبض العلم موت العلماء، فإذا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا سألوهم وأخذوا بفتواهم ضلوا وأضلوا وعياذا بالله. Donc ça c'est la fin de la citation en question tirée du volume 9 de At-Turar al-Saniya à la page 133. Donc qu'est-ce qu'il dit à la suite de ça le Cheikh Mohamed ibn Abdul Latif et le Cheikh Abdullah al-Anqari? Ils disent tous les deux et que les ulama, donc comme on a dit, sont les garants de la religion d'Allah, et les salaf ont dit cette science c'est une religion, alors vérifiez de qui vous prenez votre religion. Et il dit, celui qui se base uniquement sur l'apparence des mots, sur le sens apparent des mots, des paroles des ulama, vérificateurs, et qui ne retourne pas avec ces paroles-là pour les présenter aux ulama, et qui se base uniquement sur sa propre compréhension, peut-être qu'il va dire, notre preuve, c'est le livre Majmu'at al-Tawhid, ou la parole d'un tel savant, ou d'un tel savant. Et il ne connaît pas ce savant-là a voulu dire par cette parole. Alors dans ce cas, ça c'est de l'ignorance et de l'égarement. Hein? Donc le cheikh dit, donc si vous avez compris cela, si vous avez su cela, vous pouvez comprendre que celui qui prétend qu'il peut se passer de prendre la science des ulama parce qu'il se base sur le livre Majmu'at al-Tawhid, alors celui-là il a fait une grave erreur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la cause de du fait que la science va disparaître, c'est par la mort des ulama, lorsque les ulama vont commencer à partir, et à ce moment-là les gens vont prendre comme chef des ignorants, et ils vont leur poser des questions et ils vont prendre leur fatwa et ils vont s'égarer eux-mêmes et vont égarer les gens avec eux, hein, que Allah nous en préserve. Donc ça c'est l'explication de ces deux parmi les mashaykhs et les ulama qui clarifient que il faut pas se baser sur seulement les livres pour comprendre la religion, comme le font certains qui pensent qu'ils peuvent se baser uniquement sur la lecture et sur la compréhension des livres qu'ils ont lus pour comprendre la religion d'Allah, hein? Mais que ces livres-là, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour faciliter la compréhension ou la connaissance, mais il faut toujours ramener ces livres-là aux ulama, hein, pour vraiment comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est arrivé, comme le cheikh va expliquer, à l'époque de ces grands imams, de ces grands chouyours, certains jeunes qui voulaient se passer des ulama et qui pensaient qu'en se basant seulement sur les livres, ils pouvaient comprendre la religion. Hein? Donc ça, c'est ça l'ignorance. C'est ça l'ignorance. Il y a beaucoup de jeunes à notre époque, c'est comme ça. Ils disent, à quoi ça sert que je vais aller lire un livre avec un cheikh, ou que je vais aller écouter un dars, si je peux rester chez moi à la maison et lire le même livre et le comprendre? J'ai pas besoin d'aller au dars. Hein? Et c'est comme ça que beaucoup de gens se sont égarés, parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin, hein, ils n'avaient pas besoin des ulama, qu'ils pouvaient se passer des ulama. Et j'en ai entendu des grands ignorants dans ce domaine-là, hein, qui se sont égarés eux-mêmes, qui ont égaré beaucoup de monde, hein, comme par exemple certains comme Abu Qatada al-Filistini, qui est en Angleterre, qui a fait beaucoup de désordre dans le monde, hein, qui a fait des fatwas d'égarement et d'ignorance, hein, et qui a appelé les gens au takfir et à beaucoup d'autres formes d'égarement, et à tuer des innocents et des choses de ce genre. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, j'ai vu que les ulama, eux, ils n'ont pas compris l'islam. Et ils n'ont pas compris les livres d'Ibn Taymiyyah. Alors moi, j'ai pris les livres d'Ibn Taymiyyah, je les ai lus tout seul et je les ai compris. Hein? Donc ça y est, c'est comme ça. C'est pour ça que par la suite, tu vois, ces gens-là vont faire le takfir des ulama, le takfir des dirigeants, le takfir des ulama, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ça ce qui arrive lorsque des gens pensent qu'ils n'ont pas besoin des ulama et qu'ils peuvent apprendre par eux-mêmes tout seuls la science. فانظر حماك الله من الفتن إلى هذا الكلام الدقيق الذي يبين خطورة الاستهانة بالعلماء وتعظيم الأصاغر. وإذا كان كتاب مجموعة التوحيد وهو المؤلف السلفي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ منه مباشرة، بل لا بد من دراسته على العلماء الربانيين، فكيف بمن يدعو شباب الأمة المسلمة السلفية إلى الأخذ من كتب أهل البدع والاعتماد عليها وجعلها أصلا لفهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمر تلاميذه بترك كلام علماء السلف الذين قدحوا فيها وبينوا فسادها وفساد معتقد أصحابها ومخالفتهم لمنهج السلف، وأن أمثالهم لا يصلح أن يكون قدوة لشباب المسلمين. ومع هذا فلا يزال هؤلاء المفتونون يصرون على الدعاية لهؤلاء المبتدعين وكتبهم، لأنهم يوافقونهم في الفهم الفاسد في الفتن الواقعة وأسباب علاجها. Donc, le cheikh, il fait un commentaire par rapport à ce qu'on a lu ensemble de cette citation. Et il dit, regarde, que Allah te préserve des fitanes. Regarde cette parole très précise qui clarifie le danger de dénigrer les ulama et de donner du respect aux innovateurs et aux petits. Et si on peut dire du livre Majmu'at al-Tawhid, qui est un livre salafi, qui est basé sur le Coran et sur la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, si on peut dire à propos de ce livre-là que le talib ilm ne doit pas prendre sa science de ce livre-là directement, et qu'il doit retourner pour l'étudier au ulama al-rabbaniyin, alors comment par la suite, qu'est-ce qu'on peut dire par la suite de celui qui invite les jeunes de la Ummah, les jeunes de la Ummah musulmane salafia, de prendre les livres des gens de Bid'a comme référence et comme base, hein, et de faire de ces livres-là une référence et un fondement pour comprendre le Coran et pour comprendre la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et que dire de celui qui ordonne à ses élèves d'abandonner la parole des ulama, des salaf, hein, d'abandonner les paroles des ulama des salafs qu'ils ont critiqués et qu'ils ont insultés, c'est-à-dire d'abandonner les paroles des ulama des salafs, alors qu'on sait que les ulama des salafs ont mentionné la fausseté de qu'est-ce qui est dans ces livres-là et dans le livre de ces gens-là, et ont montré la corruption de la croyance de ces individus-là, et comment leur livre et leur croyance est en contradiction avec le manhaj des salafs. Donc comment ces gens-là peuvent inciter par la suite les jeunes à lire ces livres-là et à les prendre comme référence et comme base, comme les livres de Sayyid Qutb par exemple, hein? Les savants ont expliqué et clarifié la corruption dans la croyance qui existe dans ces livres-là et dans la croyance de ceux qui l'ont écrit, de cette Kutub, celui qui a écrit les livres, et de tous ceux qui sont autour de cette mouvance-là. Hein? Et ils ont expliqué que ces gens-là ne peuvent pas être pris comme des exemples et comme des modèles pour les jeunes musulmans. Et malgré ça, tu vois que ces gens-là qui ont été pris par la fitna, ils persistent à vouloir faire de la publicité pour ces gens de bid'ah et pour leurs livres, et à prétendre que leurs livres sont des bons livres à prendre comme référence. Pourquoi ils font ça? C'est parce que dans ces livres-là, il y a des choses qui sont en accord avec leur compréhension corrompue et qui est en accord avec les fitnes dans lesquelles ils sont tombés. Et ils pensent que ces livres-là, donc c'est des livres qui peuvent expliquer aux gens les bons moyens de régler les problèmes dans lesquels les musulmans sont tombés. Et bien entendu, c'est de faire des manifestations, des révolutions et de faire des coups d'État ou des trucs de ce genre. Et eux, ils pensent que ça, c'est la bonne voie. Alors, ils sont d'accord avec les livres de ces gens-là, même si tous les ulama qui suivent la voie des salafs ont mentionné la corruption et l'égarement qu'il y a dans ces livres-là. فَانْظُرْ أَخِي الطَّالِبَ الْعِلْمِ إِلَى كَلَامِ الْإِمَامَيْنِ وَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ كَلَامٌ مَتِينٌ وَنَفِيسٌ واحذر من دعاك الى الاستهانه بعلماء الامه وعظم لك المبتدع فانه والله ضال مثلهم مبتدع مثلهم وان زعم انهم غيرون على دين الله وان العلماء مقصرون في الدعوه الى الامر الى المعروف وفي إنكار المنكر فهو والله كذاب صراح ولكن العالم إذا أمر بالمعروف يأمر بالمعروف وإذا نهى عن المنكر فإنما ينهى عنه بالمعروف لا بالمنكر وهذه تهمة قديمة قدم المنافقين في الأمة قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. Donc le cheikh explique, il dit, regarde, oh toi mon frère qui cherche la science, regarde la parole de ces deux grands imams qu'on a lus précédemment et médite sur cette parole qui est ferme et solide et qui est très précieuse et tu vas et prends garde de celui qui t'invite à dénigrer les ulama de la Ummah et qui t'invite à avoir du respect et de et avoir de l'estime pour les gens de bid'ah. Parce que celui-là, par Allah, je jure qu'il est égaré comme eux. Il est égaré comme ces gens de bid'ah. Et il est un moubtadi' comme eux. Même s'il prétend avoir une jalousie pour la religion d'Allah. Et il prétend donc que les ulama sont, ont des manquements dans la da'wah, ou sont limités dans la da'wah. Et dans le fait d'appeler au bien et dans la dénonciation et dans la condamnation du mal, il dit, parce que par Allah je jure que ça c'est un mensonge clair et apparent. Il dit, mais le savant lorsqu'il leur donne le bien, il leur donne le bien, et lorsqu'il interdit le mal, il n'interdit le mal que par le bien et non par le mal. Et donc ça c'est une accusation très ancienne, aussi ancienne que les hypocrites de la Ummah. il dit, regardez, il mentionne comme exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat At-Tawbah, le verset 65 et 66, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et si tu leur demandes, ils diront, nous ne faisions que discuter et jouer. Dit, est-ce que c'est Allah de ses signes, de son messager, dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc ça c'est le verset en question. Le cheikh il dit ensuite, et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il a dit à propos de l'explication de ce verset, qu'il y a un homme dans la bataille de Tabouk qui était assis un jour, et il a dit, on n'a jamais vu parmi les gens, on n'a jamais vu on n'a jamais vu plus peureux, plus gourmand, avoir des plus gros ventres, des langues plus mensongères et plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi que nos savants qui récitent le Coran. Alors un homme parmi eux a dit, tu as menti, mais tu es un hypocrite, et je vais informer le messager d'Allah. Alors l'homme est parti pour avertir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ce que cet homme avait dit, et le Coran a été révélé au sujet de ça. Donc ça c'est le fait de dénigrer les ulama, hein, parce que c'est comme ça que il avait parlé des ulama, et regardez le verset qui a été descendu par la suite à ce sujet là Donc le cheikh il dit, wa la yazal haula as-suddad an kitab Allah wa sunnat rasulih wa ulama al-umma yukarriruna nafs hadhihi al-ibarat fa in lam yastati'u dhikraha khawfan min al-ammati dallasu 'alayhim bima sabaqa min 'adam ma'rifatihim biwaqi' al-umma li'adam itla'ihim 'ala khafaya wa بواطن الأمور وهذا من التدليس وإلا فعلماء الأمة أعلم من هؤلاء الشباب المفتونين بواقع الأمة وخفايا الأمور وبواطنها إن كان لها بواطن وهم أكثر منهم غيرة على دين الله وأكثر قياما منهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ الذي تفا trouver que il dit que ces jeunes là qui empêchent les gens de suivre le Coran et de suivre la Sunna et les ulama, de suivre les ulama de la Ummah, ils continuent toujours à obstruer le sentier, hein, et le chemin qui mène vers les ulama encore aujourd'hui, avec les mêmes expressions que celles qu'on pouvait trouver chez les munafiqines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que, bien entendu, ils ne sont pas capables de les mentionner de cette façon aussi, hein, ouverte, hein, devant les musulmans du commun, parce que, bien entendu, ils ont peur de se faire démasquer par les gens. Alors qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils vont utiliser des formules ou des paroles qui vont faire en sorte que les gens ne vont pas comprendre directement qu'ils sont en train d'insulter les ulama. Donc ils vont dire, comme on a mentionné tout à l'heure, hein, parce qu'ils ont peur de la réaction des gens, donc ils disent par exemple que les savants, ils n'ont pas la connaissance de qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, ou bien de qu'est-ce qui se passe dans les événements, de qu'est-ce qui affecte la Ummah. Et qu'ils n'ont pas appris et ils n'ont pas compris les choses cachées ou les choses subtiles ou qu'est-ce qui se passe derrière le décor. Et ça, c'est bien entendu des ruses pour cacher la vérité aux gens et pour détourner les gens de la vérité et des ulama. Il dit parce que sinon, les ulama de la Umma, ce sont les gens qui ont le plus de connaissances. Et ils connaissent bien plus que ces jeunes, hein, qui sont dans la fitna. Au sujet des événements et de l'actualité de ce qui arrive dans la Ummah, et des choses qui sont cachées également, et des choses qui sont secrètes ou des choses qui sont cachées de la majorité des gens, et ça c'est une réalité aussi, hein, ça c'est une réalité. Donc, les aspects cachés ou les choses secrètes de qu'est-ce qui se passe dans la réalité et dans l'actualité, c'est pas dans les journaux ou dans la télé ou dans les nouvelles que tu vas les apprendre, mais bien entendu, c'est chez les gens qui ont l'information et les connaissances au sujet de ces choses-là. Et bien entendu, les ulama ont beaucoup plus de jalousie pour la religion d'Allah que ces jeunes-là, et ils se tiennent beaucoup plus fermement sur le fait d'ordonner le bien et l'interdiction du mal que ces jeunes-là aussi. Hein? Donc ces jeunes, ils pensent qu'ils ont plus de ghayra, ils ont plus de jalousie pour le sort de la Ummah et pour le destin de la Ummah et pour qu'est-ce qui arrive à la Ummah que les ulama. Ils pensent qu'ils ont plus que les ulama. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, ils partent, ils font plus de bruit, ils font plus de mouvement, comme on dit, ils bougent plus, ils pensent qu'ils font plus d'action islamique. La réalité, c'est qu'ils font que du désordre. Hein? Donc, c'est pas le fait d'agir qui montre que tu as plus de jalousie pour la religion d'Allah. Mais c'est le fait d'agir selon le Coran et la Sunna et de réagir comme Allah t'ordonne de réagir. Et de faire ce que Allah t'ordonne de faire. Et de t'abstenir de faire ce que Allah t'ordonne de t'abstenir de faire. C'est pas juste de faire pour dire que tu fais quelque chose, comme certains. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait rien? On va rester les bras croisés? On va regarder? On va attendre? Hein? Et donc ça c'est des excuses, des prétextes qu'ils donnent, des shubuhat. Hein? Parce qu'il y a plein de choses que les ulama font, hein? Que ce soit la propagation du ilm, l'enseignement de la science, le dua, l'explication des principes de la religion à la ummah, l'éducation. Tout ça c'est des bases, des choses fondamentales pour sortir les musulmans de la fitna. Hein? Donc ça c'est pour eux, ça c'est rien. Hein, c'est pas important. Parce que pour eux, l'action, c'est quoi? C'est, tu sors dans la rue, tu cries, tu brises les choses, tu détruis. Hein, tu appelles à la révolution, tu fais des manifestations, hein, des choses comme ça. Ça, c'est pour eux, ça, c'est de l'action, ça. Hein. Mais le résultat, ça, peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est pas grave pour eux. Parce qu'ils regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Donc le cheikh il dit ensuite, وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف والعدول عن طريق الحق والإنصاف ما وقع من كثير من الناس من الافتاء في دين الله بغير علم والخوض في مسائل العلم بغير دراية ولا فهم فإن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان من قبض العلم بذهاب أهله وظهور الجهل واتخاذ الناس من الجهلة المفتونين نعم واتخاذ الناس من الجهلة المفتين بالفتوى المضلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Le cheikh il mentionne les paroles, ça c'est la parole d'un des mashaykhs parmi les ulama, et ça c'est le début donc de cette citation. Et naam, qu'est-ce qu'il dit? Cheikh Sa'd ibn Hamad ibn Atiq, rahimahullah, il dit, et parmi les plus grandes causes de division, de divergence, il y a, et également de parmi les différentes choses de ce qui amène les gens à se détourner du chemin de la vérité et de la justice, il y a le fait que, beaucoup de gens ont, l'erreur dans laquelle beaucoup de gens sont tombés, c'est de faire des fatwas, d'émettre des verdicts dans la religion d'Allah sans science, et de discuter à propos des questions de la science sans posséder de référence ou de preuve, et sans posséder de compréhension également. Parce que le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de parler à propos de la science, de ses noms et de ses attributs et de sa législation et de ses règles sans connaissance. Et ça, c'est qu'est-ce qui vient confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que à la fin des temps, la science va être enlevée par le départ des hommes de science, et l'ignorance aura le dessus, et les gens vont prendre comme mufti, c'est-à-dire des gens vont prendre comme référence pour connaître des réponses sur des différentes questions de la religion, des ignorants qui vont faire des verdicts d'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans un hadith qui est authentique, apporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne retire pas la science en l'enlevant directement des poitrines des hommes, mais il prend plutôt la science par la mort des ulama, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul savant. Les gens prendront alors des ignorants comme chef, et ils vont leur poser des questions, et ils vont répondre et donner des fatwas sans science. Alors ils vont s'égarer eux-mêmes et vont égarer les autres avec eux. ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبتهم إلى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وتعالى وكتمان ما يعلمون من الحق ولم يدر هؤلاء أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا فانظر حفظك الله من الفتن. إلى هذا الكلام الذي يبين أعظم أسباب التفرق والاختلاف ألا وهو القول على الله بغير علم وتعظيم الأصاغر وجعلهم رؤوسا والاستهانة بالعلماء الربانيين الذين يجمع الله بهم الأمة ويوحد كلمته. Donc le cheikh il dit que ça c'est il continue la citation de Ibn Atiq. Il dit que c'est ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé de la part de certains extrémistes parmi eux qui accusent les hommes de science et de religion, qui les apparentent au manquement et au fait de ne pas avoir fait suffisamment pour établir la religion, et qui prétendent qu'ils n'ont pas fait ce que Allah leur a ordonné de faire, ou qui les accusent d'avoir caché ce qu'ils connaissent de la vérité. Et ces gens-là ne savent pas que qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils sont en train de médire contre les hommes de science. Et le fait de médire les hommes de science et de parler contre eux et d'attaquer leur honneur, c'est un poison qui tue, c'est un malheur, c'est une maladie grave et un grave péché apparent et clair. Et il mentionne le verset 58 dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que ceux qui offensent les croyants et les croyantes en les accusant de ce qu'ils n'ont pas fait, alors ils ont fait une grande calomnie. Ils ont été à la source d'une grande calomnie et d'un grand péché évident et clair. Donc ça, c'est par rapport justement à ceux qui se permettent d'accuser et d'attaquer les ulama. Et c'est ce que tu vois de la part des jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils ont pris cette attitude-là, ou cette culture-là, des jeunes bid'ah, qui ont comme passe-temps le fait de s'attaquer aux hommes de science et de parler contre les hommes de science. Ils parlent des hommes de science comme si c'était rien. Ils parlent des ulama comme si c'était rien. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il mentionne un poème qui dit, cessez de blâmer, sinon, essayez de remplir le vide que ceux-là ont rempli. En voulant dire, vous n'êtes pas capable de faire ce que ces savants-là ont fait pour défendre la religion d'Allah, alors arrêtez de les blâmer. Il dit, fanzur, حفظك الله من الفتن. Donc regarde qu'Allah te préserve des fitans. Regarde cette parole qui clarifie que le fait de parler à propos d'Allah sans science et de vénérer ou de montrer du respect aux ignorants et aux petits et de les prendre comme des têtes dans la religion et de dénigrer les hommes de science éducateurs, que ça fait partie des plus grandes causes de la division et de la divergence. Parce que ce sont les ulama qui ramènent les musulmans ensemble et qui les réunissent et qui unissent leurs paroles. Donc si tu les attaques, eh bien tu vas amener les musulmans à se diviser. Si tu les dénigres, tu appelles les musulmans à la division. Puisque personne ne peut unir la Ummah excepté les hommes de science. Et ça, c'est la réalité. Et plus tu regardes, par exemple, dans des endroits où les jeunes, ils se divisent et ils ont des divergences entre eux de plus en plus, c'est les endroits où ils sont éloignés des ulama. Le Cheikh dit, wa yaqul le Cheikh Saad ibn Hamad ibn Atiq rahimahullah aydan fi risalatin lahu li ba'd tullab al-'ilm fi zamanihi تحذيرا لهم من الافتراق والاختلاف باتباع الآراء والأهواء وترك اتباع العلماء الربانيين رحمهم الله يقول ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد الانتظام في سلك أهل الحق والرشاد وأعظم أسباب السلامة الهرب من سبل أهل الغي والفساد واقتباس نور الهدى من محله والتماس العلم النافع من حملته وأهله وهم أهل العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم في طلب الحق وهداية الخلق حتى صاروا شهودا لهم بالهداية والعدالة وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي والضلالة ولا من سواهم من أهل الجهل والضلال الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من العباد وتكلموا في دين الله بالظن والخرص وصاروا فتنة للمفتونين ورؤوسا للجاهلين فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتباع كل ناعق يميلون مع كل داع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. Donc le cheikh il mentionne une autre citation du cheikh Saad ibn Hamad ibn Atiq, qui est un des imams parmi les imams de la da'wa al-Najdiya al-Salafiya, dans une lettre qu'il a écrite justement à certains toulab ilm de son époque pour les mettre en garde contre la division et la divergence, de suivre les opinions et les passions et d'abandonner le fait de suivre les savants et les ulama rabbaniin. Il les mettait en garde contre ça. Et donc il leur dit, et probablement que vous savez que les plus grandes causes de bonheur et de succès dans cette vie et dans la résurrection, dans l'au-delà, c'est de suivre et de rester sur la voie des gens de la vérité et de la droiture. Et que la plus grande cause la plus grande cause de paix et la plus grande façon d'être sain, de rester sain et sauf, parmi les plus grandes causes qui vont t'amener à être sain et sauf, c'est de t'écarter et de t'enfuir des chemins des gens de la déviation et du désordre. Et de prendre la lumière, de prendre la lumière de la guidance de là où elle vient, et de chercher la science bénéfique de ceux qui la portent, et des hommes de science et des savants. Parce que ce sont les hommes de science qui ont tout dépensé, ce qu'ils avaient et ce qu'ils possédaient, pour rechercher cette vérité et pour guider les créatures vers la vérité, jusqu'à ce qu'ils deviennent des témoins de cette vérité. Hein, des témoins de cette vérité. Par la guidance et la justice qu'ils ont. Ils se sont préservés eux-mêmes des caractéristiques des gens de l'égarement et de la déviation. Et en particulier, ils se sont préservés des gens de l'ignorance et de l'égarement qui se sont égarés eux-mêmes et qui ont égaré beaucoup de gens parmi les serviteurs, parmi ceux qui ont parlé à propos de la religion d'Allah avec des suppositions et des devinettes, c'est-à-dire ils essaient de supposer des choses ou de deviner sans aucune science, et donc ils sont devenus une fitna pour les gens qui ont la fitna et des têtes pour les ignorants. Fakanuhum atba'a, donc ils sont devenus eux ainsi que ceux qui les suivent comme ceux au sujet desquels Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a dit qu'ils suivent toute personne qui appelle, et ils penchent vers toute personne qui appelle à quelque chose, et ils n'ont pas pris comme ils n'ont pas cherché la lumière de la science, et ils ne se sont pas reposés sur un coin ou sur un bord qui est solide et ferme. Donc ils ne se sont pas repliés sur un savant ou sur quelqu'un qui a de la science. Le cheikh, il dit ensuite, ça c'est la fin de la citation, il dit ensuite: فانظر حماك الله من البدع كيف شخص العلماء الربانيون التاء الذي يسبب للأمة الفتن والافتراق والاختلاف ألا وهو القول على الله بغير علم واتباع الجهل المفتونين من أدعياء العلم الذين صاروا فتنة للمفتونين ورؤساء للجاهلين فاحذر بعد هذا أن تسلك سبيل هؤلاء المفتونين والرؤساء الجاهلين والزم سبيل السلف الصالح ففيه السلامة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة وإياك أن تبيع آخرتك بدنيا غيرك فتكون مطية لهؤلاء المتصدرين المتطلبين أو المتطلبين المتطلبين للتصدر والرئاسة وليحذر هؤلاء من إضلال الناس فإنهم عنهم يوم القيامة مسؤولون وعمن أضلوهم محاسبون. De vendre ton au-delà pour la dunya de quelqu'un d'autre. Et que tu deviennes donc une personne parmi ceux qui sont qui suivent ces gens-là qui veulent se placer au devant de la scène et qui ne cherchent que à être au devant et à être les chefs. Et prends garde de ceux-là qui égarent les gens, parce que ces gens-là, ils seront questionnés à leur sujet au jour de la résurrection. Ils seront questionnés au sujet de tous ceux qu'ils ont égarés, et ils auront des comptes à rendre. وقال ابن قتيبة رحمه الله ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة وحب الاتباع أي نعم واعتقاد الإخوان بالمقالات والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا ولو ظهر له من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. Et ça c'est grave ça. Ça c'est la parole de l'imam Ibn Qutaybah dans son livre Ta'wil al-Mukhtalif al-Hadith. Il mentionne que s'ils avaient ramené les choses qu'ils ne comprennent pas dans le Coran et dans la Sunna aux hommes de science, à ceux qui parmi les hommes qui sont des savants du Coran et de la Sunna, ils auraient clarifié pour eux la voie. Et l'issue leur a été apparente et élargie. Ils auraient compris. Mais, bien entendu, le fait de rechercher, de vouloir être à la tête, de vouloir être le chef, et d'aimer avoir des gens qui nous suivent, et le fait d'avoir des croyances en certaines paroles qui sont fausses, eh bien ça c'est qu'est-ce qui amène les gens à justement s'écarter de chercher la science des hommes de science. Et il dit que les gens, ils se suivent comme des oiseaux les uns les autres. Et s'il y avait quelqu'un qui apparaissait et qui prétendait être un prophète, malgré que on sait très bien qu'il n'y a pas d'autre prophète après le dernier d'entre les prophètes, ou que quelqu'un prétendait avoir la divinité ou des choses comme ça, eh bien tu trouverais quand même parmi les gens qui le suivraient dans ces prétentions-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va suivre, peu importe l'égarement à laquelle la personne peut appeler. Et donc ça c'est grave, ça c'est ce qui se passe en fait. Et le fait de vouloir être toujours à la tête et toujours être le chef et d'aimer avoir des gens qui nous suivent, ça c'est quelque chose qui amène beaucoup de gens à tomber dans l'égarement. Et il y a Cheikh Rabi justement Hafizahullah qui donnait une nasiha à certains Tullab Ilm justement à ce sujet là et il disait: faites attention à vouloir être le chef et vouloir être à la tête. Il dit parce que ça c'est quelque chose qui par la suite va t'empêcher de chercher la science. Parce que quand quelqu'un il est chef ou qu'il est à la tête, il se voit avec un certain honneur, un certain respect, comme s'il dit moi je suis chef d'un groupe ou d'une association ou d'une organisation ou de telle ou telle chose, ou imam d'une mosquée et ainsi de suite. Est-ce que moi je vais aller m'asseoir avec les hommes de science maintenant ou avec les ulama? Puis les gens vont me voir assis comme ça avec les ulama, ils vont dire: ah, mais dans ce cas-là, lui, il n'a pas d'ilm, puisqu'il cherche encore la science. Et ça les empêche de faire des efforts pour chercher la science. Ils ne veulent pas se rabaisser, parce qu'ils ont l'idée que maintenant, ça y est, ils ont atteint un certain degré, un certain niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est dangereux, et c'est une fitna pour des gens. Et donc, il faut... il faut faire attention à ça, et c'est pour ça que les salaf ils disaient: ta'allamu qabla an tasoudu, ou kama qalu. On dit, apprenez avant de vouloir être à la tête et de vouloir prendre des positions de responsabilité. Parce que sinon, par la suite, c'est difficile. Une fois que tu as pris un poste ou une position, c'est difficile par la suite de retourner pour aller t'asseoir et étudier l'islam encore une fois, hein, et de t'asseoir devant avec les ulama. Donc il faut vraiment faire attention à ça, ça peut être une grosse fitna pour nous. Ensuite il dit, وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَذَرُ مِنْ هَؤُلَاءِ الضُّلَّالِ وَالتَّمَسُّكُ بِمَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ وَلَا سِيَّمَا فِي وَقْتِ الْفِتَنِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ السَّلَامَ وَالنَّجَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Donc si tu as su ça maintenant, il est obligatoire pour toi de faire preuve de précaution, hein, vis-à-vis de ces égarés-là et de t'accrocher à ce que, hein, à ce que les ulama ont mentionné, ont expliqué, ont clarifié, et en particulier dans les moments de fitna, hein, et il y a dans cela, hein, la sécurité et le salut, Inch'Allah. وهذا هو الواجب على طالب العلم والواجب على العلماء أن يحذروا من هؤلاء المفتونين وأن يردوا شبههم وبدعهم فإن في ذلك نصرا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحماية لدين الإسلام من أن يفسده أعداؤه وأبناؤه وهو من باب إنكار المنكر كما هو معلوم. Donc le cheikh il dit que c'est, hein, ça c'est l'obligation pour une, c'est une obligation pour le talib ilm, l'obligation pour le talib ilm, hein, de retourner aux ulama, et c'est une obligation pour les ulama de mettre en garde contre les gens qui ont la fitna, hein, et qui aiment être à la tête et qui veulent écarter les gens des ulama. Ils doivent, les ulama doivent réfuter leurs shubuhat et leurs bid'a, leurs innovations. Et il y a dans le fait de faire ça, eh bien, il y a dans ça une victoire pour le Coran et la Sunna, hein, une défense du Coran et de la Sunna. Et il y a également une sauvegarde de la religion, de l'islam, contre ceux qui veulent corrompre, hein, la religion de la part de, yani que ce soit de la part des ennemis de l'islam, des gens qui en font partie. Et ça fait partie, ça, de d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ça, c'est bien connu. Wa Sheikh Sa'd ibn Hamad ibn Atiq yaqul wa qala al-Sheikh Sa'd ibn Hamad ibn Atiq rahimahullah wa qad zakarna lakum في هذه الصحيفة ما وما قد سبق لكم منا ومن غيرنا من إخوانكم من أهل العلم من النصائح والمكاتبات المتضمنة للحث على لزوم جماعة المسلمين وامتثال أمر من ولاه الله أمرهم والاقتداء بأهل العلم والدين وقبول النصيحة منهم وترك التفرق والاختلاف واجتناب داعي الهوى والشقاق والخلاف وذكر أدلة ذلك والترغيب فيه وذم من خالفه وأعرض عنه ما فيه كفاية لمن أراد الله به خيرا أما من غلب عليه الهوى ولم يكن قصده التماس الحق والهدى فلا حيلة فيه تالله ما بعد البيان لمنسف إلا العناد ومركب الخذلان حقيق حقيق من هذا من هذا شأنه أن ينتقل معه بعد الدعوة إلى الحق والجدال إلى مرتبة العقوبة والنكال فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ثم ذكر لي أن بعض هؤلاء الجهلة ثم ذكر لي أن بعض هؤلاء الجهلة المغرورون أو المغرورين إذا نصحهم من عندهم من أهل العلم انتقل من بلده إلى بلد آخر قاصدا تحييزه إلى من هو من جنسه واجتماعه بمن هو على رأيه الفاسد، وهذا من أسباب الفساد ووقوع الشر والاختلاف. والاختلاف بين العباد فينبغي عدم موافقة هؤلاء على ذلك، وإلزام كل إنسان منهم بسكن البلد الذي هو فيه، فإن كان قصده طلب الحق والعلم فعنده من يدله عليه، وعلى أهل البلدان أن ينتبهوا لذلك وأن يمنعوا من جاءهم من هذا الجنس من السكنى عندهم إذا انتقل من بلده لهذا المقصد الردي. نعم. donc il cite encore une autre parole du Cheikh Hamad ibn Sa'd ibn Hamad ibn Atiq, qui est un des grands ulama aussi, donc parmi les imams de la da'wa al-Najdiya Salafiya. Et il dit donc, nous avons mentionné dans ces pages, de même que dans ce qui a précédé, hein, de nos paroles et d'autres que nous également, de la part des hommes de science, différents conseils, différents écrits, hein, et échanges qui comprennent yani, le fait d'inciter à rester avec la jama'a des musulmans et de mettre en application yani, ou de mettre en application l'ordre de celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'autorité sur nous, et yani, de prendre comme modèle et comme exemple les hommes de science et de religion, et d'accepter de leur part le bon conseil, et d'abandonner la division et la divergence, et de laisser de côté la personne qui appelle à la passion et la division et la divergence. Et on a mentionné à ce sujet-là les preuves, et on a mentionné également le fait d'inciter et d'encourager les gens à respecter ça et à suivre ça, et le blâme qui existe dans le fait de contredire ce qu'on a mentionné et de se détourner de ce qui contredit. Et bien entendu, et le cheikh dit, on a mentionné ce qui est suffisant pour celui à qui Allah a voulu le bien de ces choses-là. Mais en ce qui concerne celui qui a été pris par sa passion a eu le dessus sur lui, et il ne cherche pas la vérité, on a vu que son intention c'est pas la vérité, ni la guidance, alors celui-là il n'y a rien à faire avec lui, et il mentionne un poème dans An-Nuniyya de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui confirme donc cette signification-là, que pour la personne qui n'est pas juste et qui n'est pas honnête et qui fait preuve d'arrogance et qui rejette la vérité, elle ne fait que qu'embarquer sur la montée de la perdition qui amène à la perdition. Et donc une personne qui agit de cette façon-là, c'est-à-dire une fois qu'on a tout essayé avec elle et qu'on lui a expliqué et qu'on lui a montré les choses et qu'elle continue à s'obstiner et à rejeter la vérité, une fois qu'on lui a fait la da'wa à la vérité et tout, et qu'on a argumenté avec elle correctement, il dit, le cheikh, que par la suite, on doit passer donc à une autre étape qui est l'étape de la punition, hein, et du châtiment. Et il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève, ou il donne plutôt par l'autorité du dirigeant ce qu'il ne peut pas corriger par le Coran. Hein? Donc ça, c'est-à-dire que lorsque le Mubtadir il a dépassé toutes les limites et qu'on a tout essayé avec lui pour le ramener au droit chemin, mais qu'il persiste dans son égarement et il fait preuve d'orgueil, eh bien dans ce cas-là, le dirigeant musulman, il a l'autorité de le faire punir. Donc il peut choisir différentes punitions, hein, pour le faire arrêter de faire le désordre, soit en le mettant en prison ou des choses de ce genre. Et yani, donc le cheikh il mentionne, donc il dit, puis وَذَكَرَ لِي بَعْضَ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَاءِ الْمَغْرُورِينَ إِذَا نَصَحَهُمْ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Donc il dit, certains m'ont mentionné à propos de ces ignorants-là, parmi ceux qui ont été, qui se sont trompés eux-mêmes, que lorsqu'on leur donne un bon conseil, lorsque les hommes de science leur donnent un bon conseil, ils s'en vont, ils quittent vers une autre région. Ils quittent vers une autre région en cherchant à se rattacher vers des gens qui ont la même opposition que eux, hein, pour essayer de conforter leur opinion corrompue. Et il dit que ça, c'est une des causes du désordre, de la corruption, et des choses qui font que le mal se produise et qui amène de la divergence entre les serviteurs. Alors il ne faut pas être d'accord avec ce genre de personne et le conforter dans ses opinions. Et il dit وإلزام كل إنسان منهم بسكن البلد الذي هو فيه. Donc il dit chaque personne doit rester dans le pays où il est. فإن كان, donc si son but c'est d'atteindre la vérité et la science, فعنده ما يدله عليه. Dans la région où il est, il y a quelqu'un qui va lui montrer la vérité. وعلى أهل البلدان أن ينتبهوا لذلك. Donc les gens des différents pays doivent faire attention, les différentes régions, ils doivent faire attention à ces choses-là. Et ils doivent empêcher à ce que certains dans des gens de cette catégorie-là, parmi ces gens-là qui appellent à l'ignorance, ils doivent les empêcher de venir s'installer chez eux s'il est venu chez eux avec cette mauvaise intention-là. C'est-à-dire l'intention de venir propager ces fausses idées. Parce que c'est arrivé des fois de la part de certains, quand on les a démasqués dans une région où on a montré leurs égarements quelque part, eh bien, étant donné qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire dans cet endroit-là, ils partent et ils s'en vont dans une autre région où les gens ne savent pas comment ils sont en réalité, et puis ils vont propager leurs égarements ailleurs. Donc ça, c'est parmi les ruses de ces gens-là. Et donc, le cheikh, il mentionne un point qui a rapport à ça. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Même si on n'a pas fini le chapitre, il ne reste pas beaucoup, mais étant donné qu'on a déjà fait 1h30, je pense que c'est plus sage de s'arrêter. Et puis, on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je voulais juste annoncer que ça se peut que la fin de semaine prochaine, on va avoir ici à Montréal un séminaire, Inch'Allah. Donc, ça va être le vendredi, samedi et dimanche. Donc, ceux qui par rapport à ça, donc il y aura pas de cours comme le cours qu'on fait aujourd'hui, le livre qu'on est en train d'expliquer. Le cours du samedi et dimanche vont être remplacés par les cours du séminaire. Donc ce sera après il y aura des cours après le Zohr, après le Maghreb, après le Zohr, l'Asr et le Maghreb, Inch'Allah, tous les jours. Samedi, vendredi, samedi et dimanche, et il y aura des cours en français et des cours en anglais. Donc je vais envoyer de toute façon les informations sur le site, tout sera clarifié, Inch'Allah, expliqué à ce sujet-là, Inch'Allah. Donc je m'arrête pour tout de suite, Inch'Allah, et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour le livre, l'explication du Kitab al-Tawhid. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته